Bonsoir chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro des Bâtons d'Anguirou sur Radio Galère. Ce soir, une spéciale Foot Hollande et puis on démarre tout de suite avec un petit son. Soc Johan Cruyff. A la meva vida he tingut dos grans vicis. Fumar i jugar a futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar... Vous aussi, arrêtez. Foot Hollande, donc, vous avez bien entendu reconnu, chers auditeurs, la voix du nouveau défunt, le football est endeuillé, c'était la voix de Johan Cruyff, n'est-ce pas, cher coach Luc, bonsoir. Oui, bonsoir, c'était donc Johan Cruyff qui nous parle depuis là-haut, voilà. Et c'était quoi ce son, mon cher coach ? Donc c'est en fait Johan Cruyff, en 1993, a participé à une campagne contre le tabagisme, puisque c'est le cancer. Il a quand même donc il est mort d'un cancer des poumons. Donc c'est le tabac qu'il a emporté. D'ailleurs, il expliquait qu'il avait deux passions dans sa vie. Hein. C'est le football qui lui a tout donné et le tabac qui a failli tout lui reprendre. Et donc dans les années 90, suite à un arrêt cardiaque, il s'arrête de fumer et il s'engage finalement dans des campagnes de lutte contre le tabagisme, puisque le tabac, c'est mal. Tout à fait, mon cher coach. Bonsoir, docteur. Bonsoir, mon cher Manuel. Bonsoir, je vous entends très mal, docteur, pardonnez-moi, mais... Bonsoir, vous m'entendez mieux, Manuel ? Allez, on refait un petit essai. Bonsoir, bonsoir. Ah, voilà, c'est que j'avais voilà. Monté le mauvais micro. Moi, je n'ai pas très, très bien entendu le docteur. Peut-être qu'il pourrait nous refaire un bonsoir suave. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle émission de Débattons d'Anguirou. Vous êtes, cher docteur, spécialement content de cette Foot Hollande, je crois. Ah oui, c'est une émission que j'avais bossée depuis longtemps puisque mes talents de visionnaire m'avaient fait sentir... le vent tourné pour le fameux Hollandais volant, ce fameux Johan Cruyff. Et puis, c'est aussi quand même une émission d'actualité, puisque figurez-vous que j'ai regardé mon premier match depuis 2 ans, et bien il y a tout simplement 3 jours, le fameux France-Hollande. Alors, on va en parler, bien sûr, hein, dans cette émission, mais avant tout, on va parler de notre invité, Raphaël Heindhoven, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Manuel. Ah, mais alors, une fois de plus, je me suis trompé de micro, allez-y. Je disais bonsoir, Manuel. Voilà, bonsoir, mon cher Raphaël. Comment vous portez-vous ? Êtes-vous heureux de participer à ce Débattons d'Anguirou spécial Hollande ? Eh bien, écoutez, je crois que je ne connais pas grand-chose au football, mais je suis ravi, tout est un support de pensée pour la raison et pour mes auditeurs. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Vous allez nous éclairer sur tout un tas de débats ce soir, mon cher Raphaël, puisqu'on va se poser énormément de questions. On va aussi faire, maintenant j'ai envie de dire comme à l'habitude, cher docteur, quelques petits apartés théâtraux, puisque nous nous sommes rendus compte en préparant cette émission, je crois qu'on a commencé à la préparer au mois de septembre, quasiment dès le début de la saison, et puis bien sûr tout s'est accéléré cette semaine. Nous nous sommes rendus compte que, curieusement, la vie de Johan Cruyff était calée à peu de choses près, bien sûr, les dates ne correspondent pas et le domaine d'activité non plus, mais à celle de Fanfan la Tulipe. Figurez-vous que lorsqu'on regarde la biographie de ces deux hommes, il y a énormément de correspondances. Nous avons donc décidé d'adapter quelque peu, en tout cas de réinterpréter un petit peu quelques dialogues de Fanfan la Tulipe. Nous verrons ça au cours de cette émission. Tout de suite, une petite page de publicité. Bonjour, nous sommes chez Dave, le plus français des Hollandais. Bonjour Dave. Bonjour. Excusez-nous de venir chez vous à l'improviste. Pardon. Bien. Alors Dave, les Français veulent savoir. Vanina, c'était qui? Vanina, c'est ma vache. Vanina, une vache? Ma vache. Avec son lait, fait de la mimolette, j'adore la mimolette, on a fait une chanson. Et Swan, c'était qui? Ma copine. C'est elle qui m'a fait connaître le bon goût du gouda sous un chêne. Swan, ta copine? Non, parce qu'on m'a dit, t'aimes pas trop les dames. J'adore les dames. Ça, c'est quoi ça? Bonjour, nous sommes chez Dave, le plus français des Hollandais. Bonjour Dave. Bonjour. Excusez-nous de venir chez vous à l'improviste. Pardon. Pardon. Bien. Alors Dave, les Français veulent savoir. Vanina, c'était qui? Vanina, c'est ma vache. Vanina, une vache? Ma vache. Avec son lait, fait de la mimolette, j'adore la mimolette, on a fait une chanson. Et Swan, c'était qui? Ma copine. C'est elle qui m'a fait connaître le bon goût du gouda sous un chêne. Swan, ta copine? Non, parce qu'on m'a dit, t'aimes pas trop les dames. J'adore les dames. Ça, c'est quoi ça? Vraiment très bien. La thématique Dave de cette émission, dames. Foot Holland. Mais pendant que le son continue quelque peu, est-ce que vous vous souvenez, chers amis du dispositif, de cette fameuse auteure espagnole, Javier Cercas? La Hollande, l'autre. Oui, je me souviens de Javier Cercas, puisque il me semble qu'il y a quelques mois de cela, nous avions fait une émission qui s'appelait Foot Imposture, et qui tournait, donc qui était basée sur une interview de Javier Cercas, qui avait publié peu de temps avant donc un livre qui s'appelait L'Imposteur, me semble-t-il, voilà, qui racontait cette histoire formidable d'un dirigeant syndical espagnol. Et qui avait construit sa vie en fait sur un mensonge. Donc voilà, c'est en fait ça, Cercas. J'ai un retour terrifiant. Cher docteur, je vais essayer de vous trouver un peu plus de confort. En attendant, rapport à Javier Cercas, il nous avait fait le bonheur, Javier, lorsqu'on l'avait rencontré, de nous parler de football. Et il se trouve que Javier Cercas est aujourd'hui résident à Barcelone, qu'il aime beaucoup le football et qu'il aime suivre le Barça d'aujourd'hui et le Barça d'hier. Et vous allez voir que plutôt que de vous faire écouter une nécrologie de Johan Cruyff, on va écouter Javier Cercas nous parler du Barça, d'un joueur du Barça de presque aujourd'hui en particulier, et de ce qu'il doit à Johan Cruyff. Le meilleur club que j'ai vu jouer dans ma vie, c'est le Barça de Guardiola. C'était incroyable. J'ai eu la sensation que c'était un football incroyable, le meilleur football de ma vie, et que jamais dans le futur, je verrai jouer comme ça. Et pour le moment, c'est comme ça. C'était un football incroyable, nouveau, complètement nouveau. Et pour moi, qui a eu l'idée de ce football a été Johan Cruyff, qui l'a matérialisé. C'était Guardiola. Mais le joueur qui était l'incarnation de ça n'était pas Messi. C'était un joueur qui n'a pas été apprécié comme il faut. Mais l'incarnation de ce nouveau football est un joueur extraordinaire qui méritait tous les prix, qui était Xavi Hernández. Il a été vraiment ce qui incarnait ce football. Pourquoi? Parce que Cruyff a eu une idée extraordinaire, que les joueurs tout petits sont importants. Tout petits. Ça a été une révolution totale. Quand j'ai commencé à voir le football, tous les joueurs devaient être très forts, très hauts, et très, très. Non? Et non, il a dit non. Le petit joue aussi. Et Xavi, c'est très, très petit, c'est encore moins petit que moi, que je suis très petit. Mais il faisait le directeur de cet orchestre qui était le Barça. Et il l'a fait d'une façon complètement extraordinaire. C'était comme vraiment un directeur d'orchestre qui disait là, tu vas là, et tu vas là, et tu vas là. Et il était toujours au milieu de chant. Et c'est le joueur plus intelligent que j'ai vu. Parce que il réalisait l'idéal de l'art. Pour moi, dans la littérature aussi. Je le dirais avec une phrase latine. C'est « Vera ars felat artem ». C'est-à-dire, le vrai art cache l'artifice. C'est-à-dire, tu voyais Xavi, il disait « Mais cet homme ne fait rien. Il touche la balle, mais il ne fait rien, spectaculaire. » Une simplicité. Une simplicité extrême. Extraordinaire. Et ça, c'est l'art. Ça, c'est le vrai art. Et le Barça a changé sans Xavi. Et de même l'Espagne. Quand Xavi est devenu vieux, l'Espagne comme sélection, alors c'est fini. A décliné. Mm. Sans Xavi, on ne pouvait pas jouer comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'il était là, au milieu. Il faisait tout très simple, toucher. Et je crois qu'il a changé le football, vraiment, qui était, c'est-à-dire, j'insiste, Messi c'est incroyable, c'est le meilleur, mais qui a changé le football a été Xavi. Mm-hmm. Ce que Xavi faisait au Barça, c'était la même chose que Guardiola faisait au Barça de Cruyff, mais Xavi l'a fait beaucoup mieux. Cruyff a été la vraie révolution au Barça, dans le sens que le Barça c'était une équipe de gens qui perdaient toujours. Et Cruyff a dit non, on peut gagner. Et il a créé un modèle. Et ce modèle a été un modèle, bon, exactement de la même façon que le Ajax de mon époque fonctionnait. C'est-à-dire, le petit garçon joue exactement le même football que le grand, que les gens de première équipe. Exactement la même. La formule, c'est la même. Et alors, ça permet la maturité d'un système de football qui est arrivé avec Guardiola. Et qu'aujourd'hui, c'est le même football, plus ou moins. Comme l'Ajax des années 90, non ? Qui était toujours, tout le monde jouait la même chose. Ça, c'est la forme intelligente de faire un club. Cela fait le... Pas avec, vous avez besoin d'argent, mais vous avez besoin d'une idée de football. Et ça l'a fait le Ajax de Cruyff, ça l'a fait Cruyff au Barça. Et c'est une bonne idée. Au contraire, Real Madrid n'a pas une idée de football. Vraiment. Voilà, on vient d'écouter Javier Cercas nous parler de Johan Cruyff et j'ai envie de m'adresser à vous tout de suite, Raphaël Eindhoven. Quand on évoque Johan Cruyff, on évoque une philosophie de jeu, c'est donc bel et bien votre domaine. Est-ce que, qui est pour vous Johan Cruyff ? Écoutez, certains disent que la sociologie est un sport de combat, je ne vois pas pourquoi la philosophie ne serait pas d'une certaine manière un match de football. On a d'ailleurs vu sur Internet circuler le fameux match des footballeurs. Pour ce qui est de M. Cruyff, je ne le connaissais pas avant d'apprendre son décès, hélas. J'ai pu regarder donc quelques vidéos sur le YouTube et on entendait ce monsieur discuter du tricotage en milieu de terrain. C'est vrai que c'est un homme qui tricote un peu, mais c'est une sorte de danseur. Donc moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est un roi du dribble. Quelqu'un qui s'envole sur le terrain. Pour ce qui est de la philosophie, je ne sais pas si on peut aller aussi loin que ça, mais ce monsieur Cercas a l'air de dire que c'est possible. Que vous dire d'autre sur le sujet ? Mais n'est-ce pas un peu le propre de la philosophie de jouer avec des choses mortes, et donc du fait de pouvoir comme ça rebondir aussi facilement sur la mort de Johan Cruyff, c'est du pain blanc. C'est du pain blanc. Écoutez, je suis un peu à l'étroit là. Du pain blanc ou du pain noir, hein, puisque vous savez que nos amis Bataf sont tout de même des grands amateurs de pain noir. Et certains savent manger leur pain noir, mon cher Raphaël Eindhoven. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Je ne sais pas pour votre corporation, celle des philosophes. C'est vrai que le coach Luc était un petit peu vindicatif en vous accusant quelque part, finalement, de vous nourrir, d'être tout simplement un nécrophage. Voilà, alors peut-être que le coach a une dent contre vous, je ne sais pas d'où il la sortirait. En tout cas, je me fais votre défenseur ce soir. Et coach, sachez bien... Je ne m'attaque pas à l'homme, je m'attaque à la corporation. À la corporation, bien sûr. À la philosophie, au philosophage. Je prolonge ma question avec une de mes lectures suite au décès de Johan Cruyff cette semaine. Une tribune publiée par Manuel Vázquez Montalbán, encore en espagnol, qui faisait référence à cette nouvelle. C'est une tribune qui est un petit peu ancienne, hein, qui date de 1997, je crois, ou 98, qui faisait référence au football comme cette nouvelle religion laïque. Et comme toute nouvelle religion, ou comme toute religion, les fidèles ont besoin de Dieu. Et Johan Cruyff, dans cette tribune, était l'un de ces dieux. Qu'est-ce que pourrait être un dieu du football aujourd'hui ? Quelles en seraient les caractéristiques ? Et pourquoi, selon vous, Johan Cruyff y répondrait-il ? Moi, ce que je trouve assez intéressant dans cette figure-là, c'est que On a qualifié, lors de sa nécrologie, Johan Cruyff de meilleur footballeur européen de tous les temps. Alors quelque part, tout était dit. C'est-à-dire que finalement, l'Europe avait son chevalier, son Beatles batave avec ses cheveux longs. Et voilà, une représentation finalement fantasmée de ce que pouvait être un Jésus-Christ d'un terrain de football. Voilà, il jouait avec les cheveux longs, il était libéré. Donc c'est vrai que ça correspond totalement à cette capacité qu'a l'Europe finalement à se forger des dieux qui lui ressemblent d'une certaine mesure, en tout cas qui ressemblent à ce qu'était l'Europe des années 70, en tout cas une Europe un petit peu alternative, mais pas vraiment, puisque quand on se plonge un petit peu dans la vie de Johan Cruyff, on s'aperçoit que ce type-là était aussi avant tout... Dis donc, Dave, en 20 ans de carrière... était aussi avant tout un businessman, c'est-à-dire quelqu'un qui était bien loin de ses idéaux, on va dire, hippies des années 70, mais qui faisait avant tout du beurre. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, puisqu'on a des icônes qui sont en fait totalement désincarnées, en ce sens que ce ne sont que des images. Mais c'est très souvent le cas, en réalité, de la religion aussi. Donc le football n'échappe pas à cette logique-là, je trouve. Manuel Vasquez Montalban ajoutait dans son article, puisqu'il l'a écrit à l'époque où Ronaldo flambait lui-même au Barça, que Ronaldo ne pouvait pas être considéré aujourd'hui comme un nouveau dieu de cette religion qu'était le football, parce qu'il lui manquait quelque chose, il lui manquait le charisme extérieur au jeu, et il lui manquait aussi peut-être l'esprit collectif. Et coach, comment vous analysez-vous la philosophie de jeu de Johan Cruyff et en quoi ça pourrait en faire un dieu ? Alors disons qu'en tant que joueur, Johan Cruyff quand même n'était pas forcément non plus toujours hyper collectif. Quand il prenait la balle, il s'embarquait dans des dribbles. Après, c'était un joueur qui défendait. Mais je pense que son accès à la divinité, contrairement au vrai Ronaldo, c'est que Johan Cruyff laisse un héritage et des héritiers. Alors que, en fait, le Ronaldo, finalement, lui, ne laisse rien. À part quelques images. Donc c'est en ça, finalement, que Johan Cruyff est une sorte de divinité christique, puisque, un petit peu comme Jésus, il a non seulement rompu le pain, mais il a aussi dispersé la bonne parole et est devenu un peu un gourou du jeu, à son tour. Raphaël, vous souhaitiez rajouter quelque chose, je crois. Non, pas pour le moment. Non, moi je me posais tout simplement la question de savoir si le football d'hier, si on pouvait parler du football d'hier, comme on parle du football aujourd'hui, en termes d'éthique, en termes de religion, alors même que peut-être que la puissance médiatique à l'époque n'était pas à son apogée. Mais ma connaissance, ma maigre connaissance en footballistique m'empêche de voir le voir le rapport d'un foot des années 70 avec le foot des années 2010. C'est l'historien, hein, le docteur, qui va vous répondre à cette question. Non, vous avez certainement raison. Ceci dit, à chaque période, ces médias et ces systèmes médiatiques, il est vrai qu'actuellement, on est dans un système de masse médias avec une médiatisation tout azimut d'un nombre de footballeurs extrêmement important. C'était beaucoup moins le cas à l'époque, c'est vrai, avec une ou deux stars. Actuellement, il y a plein de stars, en fait, puisque au-delà de l'affrontement entre Messi et Ronaldo pour le Ballon d'Or, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites stars françaises, qu'il y a plein de stars européennes, des stars comme des stars émergentes comme Suarez ou éventuellement Neymar. Donc on est vraiment dans un monde qui est très très différent, puisque tout est accru au niveau en quantité d'informations, en réalité. Donc c'est vrai qu'il y a un changement. Après, je pense que c'était une époque où le football, bien que moins médiatisé, avait tout de même une importance réelle. Donc je suis pas complètement pour ce changement de dimension non plus. Mais bon, c'est tout à fait discutable, mon cher Raphaël. Et vous avez raison tout de même de souligner ce basculement qui existe néanmoins. C'est-à-dire qu'aussi, Johan Cruyff est un des précurseurs, hein, finalement, de la figure du footballeur moderne. C'est-à-dire qu'il avait un agent qui était un homme d'affaires aux dents extrêmement longues. Lui-même, finalement, était amené à faire pas mal de choses. On entendra notamment une chanson, etc., de la publicité. Il était dans les tabloïds, il était un petit peu présenté comme une rockstar. C'était aussi une diva, il fallait en passer par ses caprices, sinon il se mettait en colère. Il avait toujours raison sur tout, enfin c'était... Et en ça, on peut retrouver, alors non pas les stars dont mon collègue parle, puisque effectivement, en ce moment, de nos jours, il y a beaucoup de stars et de starlettes, mais lui était une superstar, je pense. Voilà, c'est ce qu'on appelle les superstars. Il y en a eu quelques-unes, il y en a sûrement encore quelques-unes, je pense, Messi, Ronaldo sont des superstars. Et Johan Cruyff fait partie de ces superstars, comme l'était Jésus en son temps. Peut-être était-ce aussi une superstar parce qu'il a inventé des choses, on l'a dit, par rapport au Barça et à sa manière d'inculquer un même football aux plus jeunes pour promouvoir un football total. Mais il a aussi, et le saviez-vous, inventé un geste footballistique. Ah, je vous vois bouche bée. Il a inventé le pénalty indirect. Ah, tout à fait. C'est peut-être la vidéo qui m'a le plus marqué quand j'ai regardé donc Monsieur Cruyff sur le terrain. Intéressant. Alors, on l'accusait d'être personnel. Tout à coup, il développe quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire, enfin, je vais vous laisser raconter. Non, je vous en prie, Raphaël. Je vais vous laisser raconter le fameux penalty. Enfin, il fallait quand même que l'autre lui redonne la balle, hein, parce que sinon, ça l'aurait pas fait, quoi. C'est toute la beauté du geste. C'est apparemment une figure qui a été travaillée pendant de nombreux mois à l'entraînement. Dixit, le coéquipier avec lequel il réalise ce geste, c'est qui était Jesper Olsen, un Danois qui jouait à l'Ajax d'Amsterdam avec Johan Cruyff. Et ce penalty indirect, pour les néophytes bien sûr qui nous écoutent et qui sont nombreux, il s'agit au moment de tirer le penalty, plutôt que de l'envoyer dans le but, de faire une passe à un coéquipier vers l'avant, coéquipier qui peut lui-même tirer au but ou alors refaire une passe à quelqu'un. Et ça, c'est vrai que c'était une règle à l'époque qui était permise, mais qui n'était pas connue, et Johan Cruyff en a profité. Je vous propose, chers amis, d'écouter le commentaire en hollandais de ce penalty indirect, qui sera suivi d'une petite interview de Johan Cruyff et d'une expérience de variété hollandaise par Johan Cruyff. On écoute tout ça. Johan Cruyff die strafschop nemen. Doet het op deze manier. Olsen, Cruyff, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Sport staat elkaar nog even aan te kijken. Cruyff en Olsen. En dan zo een doelpunt. Ajax leidt met 2-0. Heel apart, 22e minuut. Nu een plotselinge ingeving en reageert daar Olsen alert op? Of is daar uitend na opgeoefend? Nou, dus het is niet opgeoefend. We hebben het één keer over gehad vorig jaar. Toen we in de sneeuw speelden. En zo met de geintjes dat ontstaan. Kijken van een verre neef. Wat kreeg die jongen klappen, want die ander was op dreef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze gimpje zonder op de mat en hij lag in de zaal. Onze neef op show. We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou. Maar in een zaakje riep hij dat er dubbel werd geteld. De ober haalde uit en zei: dit is je wisselgeld. Onze arm. arme neef maar meteen naar huis gebracht. Maar zijn echtgenoten wachten woedend in de gang. Dit was de mooiste wedstrijd en wij zaten eerste rang. On vient d'entendre Johan Cruyff interpréter cette fameuse chanson « Oi, oi, oi » qu'on pourrait traduire, cher coach, par « Oulala, mes nouilles sont trop chaudes ». Voilà, une traduction littérale, bien sûr, vous l'aurez compris. Vous êtes bien, chers auditeurs de Radio Galère, dans « Des bâtons d'Anguirou » spécial Foot Hollande. Notre invité prestigieux n'est autre que Raphaël Eindhoven. Et c'est l'instant du premier moment théâtre de cette émission. Moment théâtre que nous intitulerons Jojo la tulipe, scène 1, Jojo footballeur de rue et jeune homme courageux. Le jeune Johan grandit dans le quartier de Betodrop à Amsterdam. Jeune garçon sûr de lui, il apprend le football dans la rue avec ses camarades. Mais un après-midi, une jeune fille de haute famille est prise à partie par quelques voyous et la voiture qui la conduisait est endommagée. N'écoutant que son courage, Jojo propulse le ballon dans le visage de l'un des malandrins et par ricochet en émascule un autre. Frappe magnifique d'une précision redoutable. Un policier non loin de là n'est pas intervenu, il est ridiculisé. Jojo, aux yeux de la jeune fille, devient un héros. Merci, jeune homme. Vous avez été admirable. Ah, vous, monsieur, vos troupiers sont aussi misérables que nos valets. Notre pauvre voiture. Si au moins on nous rendait nos chevaux. Ah, on s'en occupe, madame. Notre modeste véhicule sera bientôt le vôtre. Hé, amenez-moi le chariot. Je suis confus, ce spectacle est bien vulgaire. Vous êtes excusé. Ces petites fleurs-là, mademoiselle, ce sont bien des fleurs de lys? En effet, un sommier délicat, très à la mode. Et nous ne nous connaissions pas ce matin. Nous n'avions pas cet honneur. C'est incroyable alors. C'est incroyable. On me l'avait prédit, la rencontre, les fleurs, il ne manque plus que... Auriez-vous un stade? Hélas, maintenant, nous sommes attendus. Mais comment vous appelez-vous? Pardon? Votre nom? Vous avez bien un nom? Bien sûr. Et vous, jeune homme, quel est votre nom? Johan, Jojo. Jojo, comment? Jojo tout court. Très joli, très joli, je m'en souviendrai. Et si je puis vous être utile... Mais... Si ces personnes veulent bien se donner la peine, régiment de Betodrop, sergent Van La Franchise, si vous avez des relations un peu par-ci, un peu par-là, quand on poursuit, on n'a que son honnêteté sa franchise, sans grande relation, on va j'arrête. Monsieur Jojo, venez. Tenez, la récompense de votre courage. C'est un lys? Ou une tulipe? Elle vous baptise. Jojo tout court devient Jojo la tulipe! C'était donc la première scène de Jojo la tulipe. Vous aurez compris que c'était l'enfance du fameux Johan. Les rôles étaient interprétés pour la jeune fille par le docteur, pour Jojo par Raphaël Eindhoven, notre invité prestigieux, et le policier par le coach Luc. C'est maintenant l'heure de l'allocution présidentielle, puisque Nous sommes, je le rappelle, chers auditeurs de Débattons d'Anguirou, dans une spéciale Foot Hollande. Docteur, vous nous avez préparé quelque chose. Vous vous faites l'interprète du président, je ne sais pas. En tout cas, c'est par votre voix que cette allocution va passer. J'accuse ma terre de cracher dans la soupe, et Platini sur qui plane le doute. J'accuse Aulas d'être un gros dégueulasse, mais vaut-elle mieux l'autre blondasse? J'accuse la brune de ne pas avoir de burne, tapis dans l'ombre sans braver les urnes. J'accuse Bielsa de quitter le navire, c'est les rats qui dévorent le cuir. J'accuse l'OM de tromper Mandanda sur la décennie que dure son mandat. J'accuse Bernès de trafiquer sans cesse et Anigo qui mime l'agneau. J'accuse les joueurs qui, s'ils disent avoir peur, jouent à Alep ou Damas juste une heure. Qu'ils abandonnent ces coupes de SS, ce ketchup sur nos maillots. J'accuse le ciel, ses couleurs bleu et blanc, de chasser nos rages par le vent. J'accuse Godin, je souhaite qu'on le dame, faute de terrain pour aiguiser nos armes. J'accuse Mémé, Guérini, Menucci de trafiquer, miser sur Paris. Oui, je m'accuse, je suis le premier homme à ne pas voir bien plus loin que la pomme. D'allons sécheux sans vigny, même celle, celle de l'espoir et du rêve. Chers auditeurs, c'était l'allocution présidentielle, puisque bien sûr vous le savez traditionnellement, en tout cas au moins une fois ou deux par an, le président s'adresse à vous, auditeur de Radio Galère, par le biais de Débattons d'Anguirou. Docteur, il vous a transmis cette allocution. Il avait l'air sacrément remonté par ce qui se passe dans les coulisses de la commanderie. J'ai l'impression. Du coup, j'ai envie de vous poser une question spéciale foot Hollande ce soir dans Débattons d'Anguirou. Est-ce que François Hollande aurait pu être un footballeur hollandais? Voilà la question que j'avais envie de vous poser autour de la table. Docteur, coach, Raphaël, à vous de me répondre. Disons que jusqu'à ce soir, moi, j'avais plutôt eu tendance à prendre François Hollande pour un clone d'Homer Simpson. Et ce soir, par contre, j'ai plutôt l'impression qu'il était plutôt Iggy Pop. Donc peut-être que je vais revoir un petit peu ma façon de regarder. Docteur, ou changer de lunettes, peut-être. Ah oui, non, mais je pense effectivement que ce François Hollande a tout à fait l'étoffe d'un footballeur hollandais. Hein. C'est sûr qu'il n'a pas forcément l'agressivité que l'on va retrouver chez ces joueurs un petit peu arrogants comme Arjen Robben ou éventuellement comme Schneider. Mais bon, il a finalement ce petit côté un petit peu vicieux de promesses non tenues, de lendemain qui déchante. Un grand classique, hein, finalement, qui nous fait penser effectivement à ce foot hollandais qui, parfois, peut éventuellement faire rêver. Alors, ce n'était pas tout à fait le cas de l'ami François, mais qui, c'est sûr, en tout cas, quand on l'a une fois face à soi sur le terrain, et ben là, vous donne vraiment envie de gerber. Raphaël Eindhoven, je crois que vous connaissez bien notre président bien-aimé. Vous connaissez ses capacités footballistiques également. Alors, je ne connais pas vraiment ses capacités footballistiques, mais depuis que ma femme m'a quitté pour partir avec l'autre président, je vote PS. Pour ce qui est de M. François Hollande, écoutez, je crois que c'est un vainqueur malgré tout. Hein. Il est revenu de loin, il continue à nous pousser si loin... Et on a pourtant une très, très, très mauvaise équipe. On a une mauvaise équipe gouvernementale. Et il continue, il va de l'avant, il avance. Alors, pourquoi pas un François Hollande au maillot orange qui, comme ça, nous emmènerait nous tous vers la victoire. Vous y voyez donc, mon cher Raphaël, quelque part un capitaine. Est-ce que c'est pour vous une conception du football, celle de comprendre une équipe comme un groupe, finalement, où le leader serait juste quelqu'un de quelque peu effacé? Ou est-ce que vous avez des conceptions avec un leader qui va mener, finalement, l'équipe? Quelle est votre position sur cette place, finalement, du capitaine? Est-ce que pour vous, ça a une importance? Est-ce que ce côté de l'individu doit être mis en avant? Ou finalement, est-ce que c'est le groupe qui doit se sacrifier? Eh bien, si vous me posez la question personnellement, bien sûr, je suis plutôt pour une vision collective du travail, une vision collective du jeu. Juste pour rebondir par contre sur ce François Hollande capitaine, il est capitaine et il est capital aussi. C'est quand même quelqu'un qui a décidé de s'attaquer directement à la finance, nous avait-il dit. Et c'est capital pour un capitaine. Est-ce que dans le foot, d'une certaine manière, on ne devrait pas aussi s'attaquer à la finance aujourd'hui? Mais bon, mis à part... du coup, j'ai totalement perdu le fil de votre question. Oui, bien sûr, le collectif. Eh bien, pour revenir sur ce penalty qui m'a tout à fait intéressé, ce fameux penalty à deux pieds, à quatre pattes. Voilà, c'est un exemple. C'est intéressant. C'est une métaphore. On peut filer la métaphore. Voilà un joueur qui devrait tirer tout seul son penalty, qui la passe à quelqu'un d'autre, qui lui rend pour qu'il la tire. Et comme disait notre cher coach tout à l'heure, finalement, est-ce que si son coéquipier ne lui avait pas rendu le ballon, ça se serait bien passé. Est-ce que d'une certaine manière, il n'a pas fait semblant d'être collectif pour porter la gloire en son nom à la fin du match? C'est une question que je me pose, c'est une question que je me poserai éternellement sur les ressorts du collectif et de l'individuel. Peut-être qu'il faudrait poser la question au fameux Holstein. Jesper Olsen. Mais je crois que coach voulait éventuellement refaire une passe. Vous vouliez intervenir, coach? Non, moi, j'ai une pensée qui m'a traversé l'esprit. C'est sans doute dû à la présence d'un philosophe qui fait que tout d'un coup, la pensée et les concepts volent dans l'air et traversent les membranes. C'était simplement le rôle d'un capitaine d'une équipe qui joue sur des terrains qui sont situés sous le niveau de la mer, à mon avis, et on ne peut plus importante. Bah, c'est une excellente remarque, cher coach, mais il faudrait peut-être aller plus loin. Il faudrait peut-être continuer dans ce débat-là. Est-ce que vous voulez par là dire que si le bateau orange coule, le capitaine doit couler avec le bateau? Je pense que le capitaine doit jouer le rôle de la digue. Et François Hollande doit sans doute jouer le rôle de la digue et retenir l'avancée de la mer à lui tout seul. Ça vous connaît les digues, Manuel? Moi, je connais assez bien les digues. Je vous propose une petite page de publicité. Dis donc, Dave, en 20 ans de carrière, t'as dû t'en faire un paquet d'amis. Non, un seul ami, Molette. L'ami Molette. Hein? L'ami Molette, de Hollande. Dans pique-nique, il y a pique. Dans cumin, il y a main, pique-nique au cumin. Et dans panier, il y a... Nier. Gouda au cumin, d'Hollande. Let me say yeah! Let me say yeah! Est un groupe hollandais, mon cher coach, avec ce fameux morceau No Limit. Oui, donc un des groupes hein, favoris de notre président qui aurait sans doute, je pense, gagné à prendre cette musique pour sa campagne, qu'il utilisera sans doute pour la prochaine campagne hein, où il se présentera comme président pour le Camembert. Bah, c'est vrai que c'est un hymne contre le hors-jeu, donc il aura toute sa place. On vous entend mal, docteur. Vous murmurez maintenant. Je murmure. Le docteur est trop suave. C'est vrai. Non, je disais juste que cet hymne à l'interdiction du hors-jeu laisserait totalement sa place à François Hollande. Allez, on se l'écoute, on se l'écoute jusqu'au bout. Hein. C'était Too Unlimited, No Limit. On est toujours bel et bien dans Débattons d'Anguirou, spécial Foot Hollande. Chers amis, je crois que nous arrivons au moment de notre deuxième interlude théâtral. There's No Limit. Et on va tout de suite démarrer avec la scène 2. La scène 2 que nous avons choisi d'intituler ce soir Jojo, jeune joueur. C'est parti. Quelques semaines après avoir sauvé cette jeune fille, Johan apprit qu'elle était la fille du président de l'Ajax d'Amsterdam. Ce même président qui, le jour de l'entrée de Jojo au centre de formation, prononce un discours en présence de l'entraîneur dont la réputation d'homme dur n'est plus à faire. Mais le président reconnaîtra Jojo comme le héros de sa fille. Hola hola, je suis votre président, aimé Bonaventure Clodion Dominique Van de la Houlette. Le président est le père de l'équipe. Un père aime ses enfants et qui aime bien, châtie bien. Alors préparez vos côtelettes. Votre instruction sera dirigée par l'entraîneur Van Fabieras. Ah, c'est vous. Il faut être gentil avec les joueurs, monsieur l'entraîneur. Qui parle ? Qui a parlé ? Vous vous y prenez mal avec vous. Avec nous. Celui qui parle sort des rangs. Excusez-moi. Non ! Matricule ! Oh là là ! Un instant ! Je vous reconnais. Ainsi, c'est vous, jeune homme, qui avez tiré ma fille d'affaire il y a peu. J'aurais mauvaise grâce à sévir contre un protégé de la chair de ma chair. Mon président manque de respect envers... N'exagérons rien. Simple conseil amical. J'ai entendu... Un bleu-bite. Si on commence à se laisser marcher sur la gueule par la bleusaille. Un compliment par-ci, peut-être un encouragement par-là. Nous nous amuserions un peu plus et serions peut-être moins chiants à regarder jouer. Vous ne serez plus ni plus beau, ni plus intelligent, mais... Silence ! Ah, voilà. Silence. Vous donnez l'exemple. Silence. Approchez, approchez. Souriez, bonnes dents. Les gencives sont saines, les oreilles bien placées. Tournez-vous. Oh, jolie nuque. J'aime beaucoup. Je suis spécialiste des nuques. Bien. Bon, jeunes hommes, nous allons mettre les bouchées doubles, car la bataille est imminente. Une bataille, c'est des morts en perspective. Et je veux des morts impeccables. Têtes au carré, rasées de près, le cheveu coiffé, les bottes cirées. Des morts qui soient l'honneur du club. Et qui sourient. Alors on sourit. À vous, monsieur l'entraîneur. Je vous les recommande. Sur une ligne, aussi un droit. Ventre levé. Regard vidé de toute expression comme mon regard. Le torse comme mon torse. Les épaules comme mes épaules. Quart de tour à gauche. Marche. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Hein ? Dis donc, Dave, en 20 ans de carrière, t'as dû t'en faire. On remarque déjà la défiance du jeune Johan face à l'autorité. Il devient dès son plus jeune âge un leader du vestiaire, capable de remettre en question les techniques inadaptées de l'entraîneur et de se mettre dans la poche un président un peu rétrograde mais bienveillant. Il décide à ce jour-là de prendre déjà les choses en main et de se laisser pousser les cheveux. Voilà, chers auditeurs, la deuxième scène de notre pièce intitulée Jojo la tulipe, et nous allons laisser la parole au coach. Le coach a prévu une croquine, comme à son habitude, une croquine qui est à la fois historique, pour marcher un petit peu sur les plates-bandes du docteur, et à la fois très actuelle. On vous écoute, mon cher coach. Oui, oui, oui, donc j'avais... En fait, j'ai choisi de prendre le rôle, non pas de Dev, même si, d'une certaine manière... Il apparaît très fréquemment dans notre émission. Très fréquemment dans cette émission. C'est un peu notre spectre bienveillant et notre dauphin Flippy. Non, comment il s'appelait ? Snoopy ? Flipper. Flipper, voilà. Et donc, je vais vous parler en fait plutôt d'économie. Il y a eu un lapsus entre Flambi, puisqu'on parlait du président, cher président, bien sûr, et Flipper, j'ai l'impression, cher coach. Oui. Voilà, les chants de la baleine. Mais bon, je vais vous parler d'économie, donc c'est tout de suite nettement moins amusant. Et donc ça s'appelle le bulbe de la bulle. Et donc, entre 1995 et aujourd'hui, le montant global des transferts a augmenté de plus de 1000%. Et c'était avant de véritablement intégrer l'entrée des clubs chinois dans la transe. Au départ, les sommes folles ne concernaient que les superstars, étalons de talent au nombre très limité, combien de Ronaldo, Zidane, Messi et autres caca, dont le potentiel d'image de marque et de marketing équivalait à leur puissance de jeu. Mais le pouvoir du marché a déplacé la donne sur un panel de joueurs certes remarquables, mais sans comparaison possible avec les rois du marché primaire précités, en termes de talent et en termes d'image. Alors vous me direz, le foot est aussi un business. Bon oui, d'accord, le foot d'aujourd'hui est comme ça, le monde aussi. Soit, soit. Mais cette marchandisation du joueur à deux doigts de la traite des blanches a un peu déshumanisé l'imaginaire du football moderne. Et disons-le, cela me brise la footopie. On a le sentiment que le rêve est à présent plutôt dans les sommes échangées que dans les joueurs. On kiffe les voitures de sport des footeux plus que le beau jeu. Je n'y comprends certes pas grand-chose, hein, je veux bien taxer de démago. Oui, oui, les coachs ne sont jamais les meilleurs économistes aux yeux des présidents et actionnaires de clubs. Mais je fais confiance à mon nez patate qui me dit qu'une utopie qui pue la merde, eh ben, c'est de la merde. Alors, youp la boum sur le marché, on rachète des contrats et dans le même temps, on mise sur des futurs cadors bankable. On casse la tirelire de ses ouvriers sur des primes à l'expérience pour ce qui concerne les marchés émergents. On parie sur des plus-values futures qui épongeront les dettes et boosteront les bénéfices jusqu'à la lune. À cela s'ajoute la montée en puissance des agents, sacrés putains d'alchimistes qui t'ont inventé le muscle philosophal qui vous transforme le salon de la voiture d'occasion en musée de la fusée galactique pour vendre de la viande de bâtard bien au-dessus de son goût réel. Au final, cela fait cher du tatouage et de la coiffure de cagole, même fourguée au poids avec sa Lamborghini. Sans compter que, depuis l'arrêt Bosman, les joueurs entrent dans les jeux vidéo, mais surtout dans la grille comptable, qui consiste à transformer les joueurs sous contrat en actifs financiers. En d'autres termes, la valeur supposée des joueurs est intégrée au compte du club. Tout un kiff pour gamers en bourse. Cela permet à quelques gros clubs de survivre à leur surendettement pharaonique tamer. Alors, arrêtons-nous un instant pour une pause, c'est pas sorcier. Qu'entend-on par bulle spéculative ? Le terme est utilisé pour qualifier un marché où le montant global des échanges, donc ici les transferts du marché primaire supérieur et inférieur au mercato, est très excessif au vu de la valeur intrinsèque des biens échangés. Donc là, nous parlons du talent des joueurs, de leur image et de leur scalp. Donc revenons maintenant dans le match des transferts. Les clubs sont en violence concurrence sur le terrain et paradoxalement sont dans une entente de salon VIP et Vérolé. Ajoutez-y l'apparition de messieurs gros sous et de leurs chéquiers sans fond et les droits TV qui explosent car toutes les chaînes se font braquer. Et tout ça pousse mutuellement à faire grimper les prix de manière inconsidérée, contribuant ainsi à les déconnecter de la valeur intrinsèque des joueurs. Et on ne parle que des transferts, hein, car il faut aussi en prendre en compte les salaires qui ne sont pas plafonnés. On est a priori au bord d'un crash systémique et pourtant, année après année, on est toujours là à caresser la tête d'une vipère de la mort comme si c'était un vulgaire serpent de mer. Pour retarder le plus possible l'éclatement de la bulle, l'UEFA a mis en place le fair play financier censé assainir les finances des clubs européens. C'est ce qu'on appelle un airbag pour une bombe atomique. Mais me direz-vous, pourquoi je vous parle de ce grand prout de cannibalisme capitalisme footballistique en cette minute d'1h30 de silence DGBD aérien pour Johan Cruyff ? Eh bien, Cruyff est l'un des précurseurs du football moderne, anti-papa, mobile et un peu pute, mais c'est surtout à cause de la tulipe, la belle tulipe, qui symbolise l'amour toujours, sous toutes ses formes et ses sentiments dérivés, car c'est bien d'amour dont il est toujours question dans des bâtons d'Anguirou. Le football n'étant qu'un de ses nombreux modes de représentation idéale, et Dieu sait que l'amour n'est pas chose facile, personne ici a galère, ne me contredira. Donc je vais vous faire un tour de passe-passe visant à illustrer l'irrationalité de la spéculation du foot avec des tulipes. Les beaux bulbes de la crise des tulipes de 1637 à Amsterdam, autrement appelée la bulle du bulbe, qui, si elle n'offre qu'un contexte de marché limité, qui sont les Pays-Bas et le marché de la tulipe, il exprime à merveille, par l'exemple, les bouffonneries des élites et le régime suicidaire de la soif de l'or. En fait, la crise des tulipes de 1637 illustre parfaitement le fait que le foot brasse des oignons vendus pour des tulipes et qu'à la fin, les oignons, ça fait pleurer. Une tulipomania galopante s'empare donc du port d'Amsterdam dès 1634, une euphorie pour cette fleur venue d'Orient qu'il fait bon ton de posséder pour se pavaner en société et exalter son statut social. La tulipe devient rapidement un objet de luxe, symbole de réussite et de richesse qu'il faut étaler à tout prix autour du palais qu'on vient de se faire construire. À l'époque, le commerce néerlandais est particulièrement florissant. L'import de produits exotiques se gave à mort. Tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Cet appétit se porte sur la tulipe. La tulipe classique, avec ses couleurs monochromes, mais aussi sur toutes les variétés mutantes et imaginaires, avec leurs pétales marbrés qui parlent le langage du fric. Le cours de la tulipe flambe à la bourse d'Amsterdam au point de mettre le feu à toute la ville. Tout le monde s'enfourne dans la brèche et tout le monde se met à trader de la tulipe. Les keynésiens utilisent cette crise pour appuyer la théorie des esprits animaux, selon laquelle les marchés financiers sont essentiellement irrationnels et guidés par le mimétisme. Alors j'aime bien, en tant que coach, cette idée d'esprit animé pour le foot. D'autres parlent de l'illustration du phénomène de folie des foules, et c'est un peu foot again, non ? Or, le marché des tulipes est un marché inorganisé. Les affaires se règlent parfois devant notaire, parfois au sein de la bourse du commerce, mais la plupart du temps à la sauvage, au moyen d'un simple bout de papier signé au fond d'une obscure taverne, dans les fumoirs du Red District, voire sur le napperon du guéridon de Mémé, lorsque les réunions entre négociants de toutes sortes et de toutes origines ont cours. La tulipe devient alors le produit d'une telle quantité de transactions qui promettent les plants les plus rares et les fleurs les plus extraordinaires qu'on pourrait parler de l'invention de la science-fiction avant l'heure. De 34 à 37, le cours de la tulipe augmente de près de 6000%. Les bulbes de tulipe ne valent plus que les terres où ils poussent, plus que les bateaux qui les ramènent, plus que les maisons de ceux qui y spéculent. On ne pense plus qu'au profit, emporté par une rage spéculative égarée, et on perd complètement de vue la tulipe elle-même, la fleur, son bulbe, oignon même pas comestible, à commencer par la réalité de son existence même. Les fleuristes trouvent alors tout à fait normal de vendre des tulipes qu'ils n'ont pas cultivées et qu'ils ne peuvent pas livrer à des clients qui n'ont pas l'argent pour les payer et qui n'ont aucune intention de les planter, mais qui les ont d'ores et déjà revendues à d'autres clients qui eux-mêmes les ont revendues et ainsi de suite sur 10 tours de table. Ces transactions sont devenues un commerce du vent basé sur un délire qui va doubler le capital de la cité chaque année jusqu'au jour où le printemps 1637 arrive. Les ours sortent de leur hibernation en réclamant leur miel, et la réalité de la situation reprend ses droits. On est arrivé à l'acmé de l'ivresse de la défonce et on commence fortement à dégueuler sur ses pieds. Plus on est haut, plus la chute fait mal, le vomi n'amortissant pas l'atterrissage. Le cours de la tulipe chute si vite et si bas que tous les joueurs se retrouvent à poil avec leur peau, leurs os et leurs couilles en gage. Alors du port d'Amsterdam au stade de Paname, de l'oignon imbuvable au fouteux, il n'y a qu'un pas à buvette. Il y a déjà peu de cela dans le marché des transferts du football, pareil à casser sa tulipe. Et si les hommes existent, les footballeurs pas forcément, hein, je vous encourage à voir Thauvin, Torres, Falcao, Cavani, etc. Alors on peut dire que le football n'en est qu'au bulbe de sa bulle, mais qu'elle a d'ores et déjà pris son envol au-dessus de la pelouse et qu'elle finira forcément par retomber un jour sur l'un des nombreux majeurs dressés autour du jeu. Les joueurs qui en sont complices finiront sans doute par l'avoir mal, et quand ils regarderont leurs agents vendre leurs organes sur leur marché. Si Martial vaut 80 millions, combien vaut donc un de ses reins ? Car il faut se demander au final, si cette situation perdure jusqu'à foncer dans le mur, c'est sans doute par le cynisme avide de ses protagonistes, persuadés de s'en tirer au bout du compte. Car le système et ses garants, les supporters, les élus politiques, se saigneront à blanc pour éviter l'ultime catastrophe. On construira des routes et des écoles plus tard. Les cimetières coûtent moins que le système de santé pour le même résultat au final. Et pourquoi payer l'université à nos enfants ? De toute façon, elles n'auront pas été construites pour payer le stade. Et puis le club de foot promet moins de déceptions dans l'avenir que sa propre progéniture. Alors voilà, c'est biblique. Les derniers des connards dans la merde seront toujours les premiers à en chier. Coach, votre croquis n'était particulièrement coquine ce soir. Ah oui, hein, c'était quasi érotique. Ah là, il s'est bien trituré l'oignon hein, pour la pondre. Le bulbe. Bravo à vous, vous nous avez éclairé sur pas mal de choses, je crois, ce soir. Et j'ai envie de poursuivre cette émission. On le rappelle à nos auditeurs de Radio Galère, c'est des bâtons d'Anguirou spécial Foot Hollande avec un invité prestigieux, Raphaël Eindhoven. Et on va parler d'un sujet, Raphaël, si vous le voulez bien, quelques instants, qui vous touche de près, le rock'n'roll. Au moment du décès de l'ami Johan Cruyff, on a parlé aussi du décès d'une rockstar. Johan Cruyff étant peut-être, on a aussi mentionné George Best hein, dans ce cas-là, comme étant la première rockstar du football. Selon vous, mon cher Raphaël, en quoi ? Bon, vous me posez des questions auxquelles j'aurais du mal à répondre, connaissant mal l'individu. Pourquoi une rockstar ? Pourquoi une rockstar ? Vous me mettez dans la panade. Je vous éclaire si vous le voulez bien. Une des nombreuses nécrologies qui ont émaillé les dernières émissions sportives à la télévision ou à la radio font écho d'un parallèle notamment avec la carrière de David Bowie. Je ne savais pas. Voilà, il y a pas mal de chansons qui sont sorties, de grands tubes de David Bowie qui sont sortis au moment les plus forts de la carrière de Johan Cruyff. Et c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé cette musique pour illustrer les images de Johan Cruyff dernièrement. Eh bien, je ne savais pas, mais par contre, peut-être, pour le rapprocher plus de la rockstar, je pense à Sympathy for the Devil. Parce que j'ai fouillé un peu en cherchant quelques histoires sur le personnage. Il semblerait que parmi ses multiples surnoms, on l'ait appelé le Hollandais volant, n'est-ce pas ? Tout à fait, mon cher Raphaël. Eh bien, vous savez que le mythe ne sort pas de nulle part. On me traitait tout à l'heure de profiter... on me disait que je profitais un peu de cette nécrophagie. Je vais essayer d'en profiter un peu plus, le mythe se constitue doucement. Et donc, bref, en cherchant un petit peu plus sur cette légende du Hollandais volant, j'ai appris donc, peut-être, ça sera la question en suspens à la fin, quelque chose de ce drôle de mythe, de ce bateau fantôme, et d'un capitaine fantôme, donc, qui sera le surnom de ce joueur de foot plus tard. Alors, pour ce qui est de la légende, il est difficile de dire d'où ça vient exactement, il est difficile de remonter aux faits, mais il semblerait donc que ce surnom de Hollandais volant vienne d'un exploit d'un capitaine hollandais au cours du XVIIe siècle, qu'on nommait Bernard ou Baren Fock. Il était employé dans une compagnie néerlandaise des Indes orientales et connu pour effectuer avec une rapidité surprenante pour l'époque les trajets entre l'Europe et l'Asie. Seulement 3 mois et 4 jours en 1678. Un exploit. Et du coup, les gens se sont demandé comment c'est possible, comment se fait-ce que ce capitaine aille aussi vite que ce Cruyff sur le terrain, qui dribble, avance et va au but. La rumeur, donc, attribua les performances inhabituelles du capitaine à l'assistance du diable, voyez-vous. Et le diable, qui aurait logé à son bord sous la forme d'un caniche noir géant, dit-on. Un caniche noir. Le diable donc aurait été à bord de ce bateau. Le bateau aurait finalement disparu à un moment donné. Je n'ai plus exactement l'histoire sous les yeux. Enfin bref, en tout cas, disons que la légende du capitaine du Hollandais volant serait qu'il fut aidé par le diable en caniche noire. Et c'est véridique. Hein. Je veux dire, j'invite chacun à aller vérifier ces informations sur le bien nommé Wikipédia. Et croyez-vous, mon cher Raphaël, que ce Hollandais volant, lui aussi, avait quelque part une âme damnée qui le suivait, une forme d'aide qui lui donnait ses pouvoirs supérieurs lorsqu'il était sur le terrain ou peut-être en dehors pour... Eh bien, c'est exactement la question que je me suis posée. Voyons, cet homme qu'on dit avoir fabriqué le football... comment dit-on ? Total. Le football total. Le football total, comme un opéra de Wagner, quelque part. Une œuvre d'art totale. Le football total, donc, quoi qu'ils aient perdu, je crois, le match décisif qui les avait amenés devant le Milan AC, n'est-ce pas ? Je ne me souviens plus de la date. Enfin, bref. C'est la question que je me suis posée. Pourquoi le Hollandais volant ? Pourquoi cette légende ? Et pourquoi cet homme avec ce surnom ? Alors, j'ai fouillé. J'ai fait ma petite enquête sur Internet. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé une photo avec un chien. Qui est donc venu assister à l'hommage qui lui avait été fait. En fouillant un peu, j'ai trouvé cette photo, la voilà, je vous la montre, je l'ai là. Ah oui, c'est très net. C'est très net. C'est très net. C'est très net. C'est très net. C'est un chien, c'est de race canine en tout cas. Voilà, il porte lui aussi quelque part un maillot. Il porte un maillot, mais je ne crois pas reconnaître le numéro de l'ami Cruyff. Alors, ça, écoutez, les traits du vilain, qu'il ne porte pas le maillot, c'est normal. C'est normal. Je veux dire, le vilain se cache sous tout. Et pour preuve d'ailleurs, puisque vous me demandez le maillot, j'ai le chien qui porte le fameux maillot hollandais et le numéro 9. Donc le numéro 9 qui était donc le numéro préféré de ce Cruyff avant qu'il ne devienne le 14. Et selon votre enquête, mon cher Raphaël, donc le diable aurait abandonné Cruyff ? Je ne pense pas qu'il l'ait abandonné, sinon ces derniers temps, peut-être. Mais je pense au contraire que Cruyff a été guidé, secrètement, par la main du diable, et qu'il a pris les traits d'un chien, en effet. Mais déjà, on peut remarquer hein, que le 9, finalement, est un 6 à l'envers. Absolument. Le 6 étant, bien sûr, le chiffre du malin. J'allais vous le souffler. Et donc là, c'est un malin cul par-dessus tête, avec le 9. Et alors, j'ai trouvé d'autres images aussi. Hein. Je voulais pas ceci, bien entendu. D'autres footballeurs se sont mis au chien. Ah oui, c'est très, très intéressant. Alors, nos chers auditeurs ne les voient pas, mais c'est bien réel. Pouvez-vous nous décrire ces images? Mais peut-être qu'il s'agit aussi d'un match de foot aveugle. Peut-être que les chiens ont une place dans un match de foot aveugle. Je ne sais pas, je ne crois pas reconnaître en fait la nouvelle Seleção. En fait, c'est l'équipe du Brésil qui a dû jouer le match contre l'Allemagne qu'ils ont perdu 7-1. Effectivement, s'ils avaient eu leurs chiens avec eux, ils auraient peut-être plus facilement trouvé leur place sur le terrain et auraient évité l'humiliation. Eh bien, en tout cas, c'est l'hypothèse que je vous soumets ce soir, à savoir Cruyff, grand footballeur, peut-être plus grand footballeur du monde, même si certains disent européen, n'aurait-il pas été guidé par une puissance supérieure? La question reste en suspens. Mais les images sur Internet que j'ai trouvées durant mon enquête me font penser qu'il y a quelque chose en rapport avec ce mythe du Hollandais volant, bien connu de tous, qu'on retrouve même aujourd'hui dans Les Pirates des Caraïbes de Disney. Mais si, mais alors, si Satan s'incarne dans un chien, dans le chien, si on prend en compte le fait que le chien est le meilleur ami de l'homme, cela voudrait-il dire que Belzébuth est le meilleur ami de l'homme? C'est une question que nous laisserons en suspens, peut-être. Je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur la question trop longtemps. Non, en tout cas, visiblement, vous amenez la théorie que, pour Johan Cruyff, Satan l'habite. Et j'ai envie de vous proposer un morceau que vous avez mentionné au début de votre intervention. Formidable. Nature of que de la bonne musique ce soir dans des bâtons dans du rouge, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Chers amis, ça va continuer puisqu'on va avoir la troisième et dernière partie de notre feuilleton théâtral de la soirée, l'histoire de Jojo la Tulipe. Et cette scène 3 s'intitule Jojo l'entraîneur. Après une carrière somptueuse et avoir épousé la fille du président Van de la Houlette, Johan devient entraîneur et c'est bien normalement qu'il prend les rênes du Barça. Le club n'est pas au mieux depuis de longues années et laisse le gâteau, la plus grande part du gâteau au rival madrilène. Mais Johan révolutionne le club catalan. Et une veille de Classico, un soir où le championnat se jouera, il dévoile sa tactique à son président bien-aimé. Tout est là, président. Mais que si, mais n'est-ce pas risqué, cette carte qui dévoile tous nos plans avant la bataille. Imaginez que notre taupe la découvre. Où en est-on d'ailleurs de ces côtés-là ? Nous progressons. L'homme a pour nom de code l'homme en noir, Black Man. Charts quelque chose. Interessante, mais insuffisante, mais intéressante. Creusez bien, il vaut des certitudes. Bon, j'écoute vos propositions sur la manœuvre envisagée, monsieur l'entraîneur. Dispositif classique, mais nous allons introduire une certaine fantaisie stratégique. Ah voilà, j'adore la fantaisie stratégique. Prenez-en de la graine, messieurs les actionnaires. Aile droite, je la mets à gauche, aile gauche, je la mets... À droite. Au centre, président, au centre, l'effet sera encore plus surprenant. Ah, on les tient, vous les tenez. Aïe, les tiens. Et cette ligne rouge, rotée là. Ligne d'invulnérabilité, une trouvaille de notre staff. Une demi-toise derrière cette ligne et nous sommes hors de portée de l'artillerie du Real. Vous êtes sourd ? Boulette 16, poudre de PPP, louche anglaise. Une louche rase, un boulet de 16 livres, un tube de 15 pieds, portée maximale à 300 toises. Leur artillerie ici à 300 et une toise, la ligne et nous derrière, invulnérabilité. Si, oui, bravo. Non, messieurs, avant de nous souhaiter la bonne nuit, prions ensemble que les dieux des armées nous assistent demain. Que le diable nous assiste demain. C'était donc l'histoire, chers auditeurs, de Jojo la Tulipe. Nous avons bien vu à quel point la correspondance se faisait entre Fanfan et Jojo. Et nous allons passer à la dernière et petite et ultime partie de notre émission, des bâtons d'Anguirou spécial Foot Hollande. Et nous allons parler de cinéma. Et pour introduire cette partie, je vous propose d'écouter ceci. On entend peu, c'est discret. De toute façon, là, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est très très discret. On entend peu. De quoi il parle, votre nouveau bouquin ? C'est l'histoire d'un flic, amoureux de la femme qu'il lui faut pas. C'est difficile de déceler dans ce son de quoi il s'agit. Peut-être vous avez reconnu. Sur le plateau. J'ai cru entendre le... J'entends ma femme qui me crie le résultat, mais je ne trouve pas, j'ai la réponse. Le bruit de soie des jambes de Sharon Stone qui se décroisent. Ah, je crois que qu'on a quelqu'un qui s'approche de ça. De la soie soyeuse, soyez-en sûr. Vous avez là bien raison, mon cher coach. On va abréger les souffrances de cet extrait sonore qui ne délivre pas tous ses secrets. Il s'agissait bien évidemment de la bande-annonce du film Basic Instinct, film de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven étant hollandais, je vous pose la question, chers amis, sur ce plateau. Le cinéma hollandais est-il, à l'image du football de Johan Cruyff, un cinéma total ? Et là, j'avais envie de m'adresser à vous, mon cher Raphaël Eindhoven, puisque vous êtes un peu spécialiste de cinéma aussi, entre autres, et je voulais votre avis sur cette question. Oh, spécialiste, c'est un bien grand mot, et c'est marrant que vous me posiez la question sur le cinéma hollandais, parce que, comme le foot hollandais, finalement, je n'y connais pas grand-chose. Pour ce qui est de Verhoeven, bon, bah, on a tous vu les Robocop, les Starship Troopers, les Total Recall. Qu'avons-nous vu encore pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs? Nous avons vu Basic Instinct. Nous avons vu Basic Instinct, évidemment. Showgirl. Total. Showgirl est une œuvre de Paul Verhoeven. Absolument. Très beau film. Très beau film également. Docteur, j'imagine que vous... Alors j'ai envie de vous demander, dans quelle catégorie placez-vous l'une de vos deux fameuses catégories, on le rappelle aux auditeurs, en cinéma. Lamentable. Vous les classez dans le lamentable. Voilà, c'est un cinéma lamentable qui fait appel aux instincts basiques, évidemment, du genre humain. Et voilà, je suis navré de voir qu'une nouvelle fois, le cinéma fait son apparition. Alors, heureusement, en dernière partie de soirée, ça fait plaisir, ça me rappelle ma jeunesse. Mais tout de même, voilà, je suis scandalisé une nouvelle fois que cette thématique quelque peu païenne, au final, ait droit de citer dans une émission pourtant sérieuse. Mais nous avions le choix entre deux thèmes pour terminer cette émission. C'était soit le cinéma hollandais, soit le camping en Ardèche. Qui est bien souvent trusté par les Hollandais. Et on a choisi le cinéma, puisque notre spécialiste du camping, Brett, n'a pas pu être présent ce soir. Il avait pourtant des beaux souvenirs à raconter à cet effet. Et oui, donc, je pense que c'est dommage. C'est un grand regret de notre part que notre ami Brett ne puisse pas nous parler de ces fameuses Hollandaises des campings, qui, à mon avis, auraient donné du grain à moudre à cette émission, oui, notamment. Un petit peu d'épices. Qui aurait ouvert, sans doute ouvert vers de nouveaux horizons en fin d'émission. Et il est vrai qu'on aurait pu en plus avoir un invité prestigieux qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir, le dénommé Chouchou, qui apprécie beaucoup les Hollandais, qu'il qualifie de Belges, indistinctement, quand il voit apparaître une plaque jaune, une plaque blanche cerclée de rouge sur les routes de France, et qu'il klaxonne, et qu'il double, et qu'il met dans le fossé avec une queue de poisson en général assez violente. Belge, hollandais, tout ça c'est un peu des cyclistes aussi finalement, et on sait combien Chouchou exècre les cyclistes. Exactement. En a-t-on fini avec cette parenthèse cinéma ? Alors j'en ai bien l'impression. C'est compliqué, c'est très difficile. Vous en connaissez d'autres, peut-être des réalisateurs hollandais. Pour ma part, je ne crois pas. Gus Van Sant n'est pas hollandais. Alors moi, je pense que la question du débat qui était posée, c'est le cinéma hollandais est-il un cinéma total ? Je vous remercie, coach, parce que absolument, je, à l'image. Et je pense justement que c'est la réponse, à mon avis, est oui. C'est ce que j'attendais. Et oui, mais pourquoi ? Oui, hein, voilà. C'est sans doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire oui, mais il faut quand même argumenter. Mais j'en attends pas moins. Alors, argumenter n'est pas toujours chose évidente. Hein. Mon voisin Eindhoven pourra le dire. Hein, la philosophie étant un argueil de l'argumentation, même si c'est souvent de l'argumentation avec des choses mortes. Mais malgré tout, donc là, l'argument, en fait, c'est finalement l'extrême discrétion du cinéma hollandais. Sachant que d'un point de vue Hollande, mondial, j'imagine. Hollywood, tout ça commence un petit peu pareil, en tout cas pour Paul Verhoeven. Et finalement, le fait qu'on ne parle pas du tout du cinéma hollandais, fait que justement, c'est peut-être là son aspect total, c'est-à-dire qu'il est tellement total qu'il s'est dispersé, pulvérisé comme une espèce de brume et sur toute chose en ce monde, qui fait qu'elle en est devenue tellement présente qu'elle en est invisible. Alors, c'est un point de vue intéressant, mon cher coach. J'ai l'impression que sur le plateau, on trépigne de réagir à ce point de vue. On trépigne. Oui, mais je trouve que le coach, une nouvelle fois, attaque à vue ce soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors de son dîner. À mon avis, voilà, il a été très, très, très, très protéiné. Voilà, puisqu'on a un coach qui est un peu acerbe. Je trouve qu'il est dur avec nos amis philosophes, cette partie de l'humanité qui nous apporte souvent ses lumières. Voilà, parfois avec un petit peu de nécrophagie, le jeu en vaut aussi la chandelle. Et puis moi, j'avais envie d'attirer l'attention sur d'autres artistes landais un petit peu plus vertueux, notamment André Rieu, par exemple, en ce qui concerne la musique, puisque André Rieu, comme vous le savez peut-être, est un artiste néerlandais. Et voilà, là, on est dans la musique totale, par exemple. Alors, c'est intéressant que vous parliez de néerlandais, puisqu'on se trompe souvent, docteur, et là, vous allez apporter votre éclairage. La Hollande, on pourrait avoir l'impression que c'est l'ensemble du pays, mais nous, à Des Bâtons d'Anguirou, nous ne sommes pas trompés. Nous parlons bien de football hollandais et non pas de football néerlandais. On a bien fait attention à ne pas parler de football néerlandais. La Hollande n'est qu'une partie des Pays-Bas. Oh, bien sûr, la Hollande n'est qu'une petite de la République batave. De la République batave, voilà, de ce Néerland, c'est-à-dire le pays en dessous, hein, pas le Neverland de Michael Jackson, hein, mais un endroit où je crois que c'est ça, Neverland, non c'est, non, c'est celui de Nirvana, c'est celui de Nirvana. C'est celui de Peter Pan. Nevermind. Le Neverland, c'est celui de Peter Pan, en fait. Celui de Peter Pan, ok. Mm. Je crois que c'est pareil, Michael Jackson, Peter Pan. Enfin bref, voilà, donc on est sur le pays en dessous. Et bon, bah, on est dans la grossièreté ce soir, je crois. Donc, on a utilisé, voilà, on a fait ce qu'on appelle une synecdoque. On a pris une partie pour son tout. C'est pas grave, les gars. Hein. Bossez plus le titre de la prochaine émission. Je vous remercie, cher docteur, d'apporter cet éclairage. D'ailleurs, on va vous laisser la parole. Ah. Je crois pour pas terminer complètement, mais puisque vous êtes, entre autres, spécialiste culinaire de cette émission. Il y en a d'autres, hein, des spécialistes culinaires. On a vu que, notamment dans la très belle émission Foot Franche-Comté et Baby Foot, le coach avait amené un peu de matos ce soir-là. Ah oui. Oui, mais je ne suis pas une grande bouche comme peut l'être le docteur. Ça, c'est bien possible. En tout cas, parmi les mets que vous détestez, je crois, il y a le fromage. Oui, en effet. Il y a le fromage, donc on vous a choisi ce soir spécialement, pour notre spécial Foot Hollande, de faire une chronique fromagère. Oui, et puis avec cette... Vous avez choisi pour faire une chronique fromagère. Avec cette annonce présidentielle de Foot Hollande, j'avais envie de l'écrire sur le trône. Mm-hmm. Donc je peux vous dire que ça n'a pas été non plus très vite fait, hein, puisqu'on n'a pas tous ce qu'on mérite quand on entre dans cet endroit-là. Mais voilà, c'est une chronique bien vite brossée qui s'intitule « Fromage politique et ballon rond ». Fromage politique et ballon rond font en réalité bon ménage. Chacun se prête en effet au doux nationalisme, parfois qualifié de chauvinisme, pour en diminuer la substance. Malgré une réglementation visant à les aseptiser, fromage, football et politique peinent à se départir de la répugnante odeur qui en émane dès lors qu'on en casse la croûte. Mais comment donc administrer ce pays ? Ces 246 fromages et ces presque 2 millions de licenciés ? Ancienne gaulienne au prisme de la politique de la pâte molle, celle du laiteux Hollande, autrement glorieusement renommé Flamby, flan politique légèrement nappé de chocolat et prêt à être gobé par d'affamées petites têtes blondes. Il faut revenir à un autre cador de la maudite gauche pour obtenir une précieuse réponse. En 1954, Pierre Mendès-France poignarde la France rouge, celle des viticulteurs s'entend, en abolissant le quart de rouge dans les cantines scolaires. Derrière l'arrivée du verre de lait au goûter de l'école de la République, le lobby laitier des éleveurs de Holstein. La justification de cette substitution d'un poison à un autre, la fortification de générations de footballeurs en herbe via le calcium contenu dans le précieux nectar de vache. Pis encore, quel résultat pour la solidité de l'eau de nos représentants, la jeunesse manieuse de ballons. L'analyse, sur ce point, est on ne peut plus limpide. L'épopée de l'équipe de France de 1958 concernait essentiellement une jeunesse formée au vin rouge. Les résultats laitiers, eux, devront patienter, puisqu'il faudra attendre le début des années 1980 pour entrevoir une équipe de France digne de ce nom. Danone, Yoplait ou Chambourcy snobèrent même le sport de leur campagne publicitaire pour s'enfoncer dans la plastique extrême limite des sensations pures. Mais revenons-en à l'origine du processus agricolo-politique à l'œuvre dans cette France des Trente Glorieuses. L'évolution productiviste mettant en jeu le lait de vache et son avatar, plus facile à conserver le fromage, nous venait en partie d'un pays voisin, berceau des multiples révolutions agricoles ou industrielles, les Pays-Bas. Pourquoi donc tant de vaches dans ce plat pays, cet état tampon sans verdure? L'explication est simple. Le fromage permet de stocker le lait. La vache, de maximiser la production agricole à l'hectare, en créant des protéines, pour peu qu'on réussisse à les nourrir. D'où ce statut de la Hollande de pépinière des vaches laitières, dite hollandaise, exemplaire d'un savoir-faire en termes de gestion de l'espace, de colonisation des territoires conçus comme impropres, de la mise au service de la nation, ici l'oligarchie bourgeoise, d'un génie technologique d'où qu'il vienne. La démonstration, s'il le fallait, de l'éthique protestante du capitalisme au service du conditionnement du lait. Et du football, bien sûr, où les mêmes préceptes ont savamment été mis en œuvre pour faire des Orangers une grande nation du ballon rond. Force est tout de même de constater la faible variété des fromages hollandais, pour la plupart industriels, et de nous inquiéter d'une éventuelle semblable évolution de son football. Le football total serait-il du même type, comme cette guerre totale dont leur neutralité ne les prémunit pas à la grande époque, et doit-on voir là une première tentative sportive totalitaire ? Vous frisez le point Goldwyn, mon cher doc, suivant les effluves du désormais célèbre robot Thaï. Et pourtant, si les Bataves sont une nation majeure dont nous psalmodions joyeusement la langue à chaque entame de cette belle émission, les Pays-Bas occupent une place étonnamment secondaire dès lors qu'on se penche sur un palmarès qui ne peut s'enorgueillir que d'un championnat d'Europe en 1988 et de trois finales mondiales perdues en 1974, 1978 et 2010. N'en déplaise aux pionniers des cerveaux disponibles, comme Patrick Lelay, turiféraire du lait Made in Brace, et pour rejoindre le coach en rappelant avec joie l'importance de ce petit bout de Caraïbes, oublions Flanflan et souvenons-nous surtout de la Tilupe Noire, le rude Gullit de Frank Richcard et de Marco Van Basten, pour rendre au Suriname le vibrant hommage des pays sans fromage. Les morceaux exquis de Dave. Il y a fort longtemps, j'ai fait de la publicité pour le fromage d'Hollande, l'autre pays du fromage. Et j'ai même prétendu aimer les dames. Même on m'a prêté une liaison avec mon amie Molette. Eh bien aujourd'hui, je l'avoue, ce que j'ai préféré, c'est le hollandais bien vieux. Voilà. C'était Dave pour conclure cette émission des bâtons d'Anguirou spécial Foot Hollande. Oui, coach. On a vanté la qualité des vaches laitières hollandaises. Hein. Tu as la qualité du sol, de l'eau, mais je pense qu'on peut surtout vanter la qualité de l'herbe en Hollande. Voilà. Alors, coach, ça avait l'air bien spécialiste de la question. Je ne sais pas si on peut se faire, nous, à des bâtons d'Anguirou, la promotion de... De l'herbe hollandaise. De l'herbe hollandaise, bien sûr, on peut, mais est-ce qu'on le fera? Je ne sais pas. En tout cas, vous venez de le faire, vous. Et c'était important à dire. Raphaël Eindhoven, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Mais merci à vous, merci encore. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Qu'est-ce que j'ai pensé de cette émission? Vous savez, je pense tout le temps... Ben c'est pour ça qu'on vous demande. J'ai tant de pensées qui me traversent l'esprit qu'il est parfois difficile d'en tirer une et de la remettre. Eh bien, c'est tout à fait formidable. J'ai appris des choses essentielles sur ce footballeur, sur ces questions du football total. Et vous me posez les questions avec lesquelles je repars, hein, comme celle d'un cinéma total hollandais, peut-être. Pour ce qui est du fromage, par contre, j'ai beau avoir beaucoup aimé la chronique sur le fromage. Heureusement que les films de Verhoeven ont un peu plus d'odeur et que de goût que le fromage hollandais, que je conchis. Je déteste le gouda. Non, c'est pas le gouda, c'est les dames, la mimolette, etc. Je déteste ça. Enfin, mais pour ce qui est de l'émission, c'est formidable. Écoutez, je repars avec des questions, j'ai appris des choses. Je reviendrai avec plaisir. Et avec ma femme, bien sûr. Nous vous remercions, cher Raphaël Eindhoven. Merci à vous, coach. pour le travail fourni, une fois de plus. Eh bien, je vous en prie. Hein. Et en dernier hommage à Johan Cruyff, je vois que tout le monde s'est allumé une clope. Ouais. Donc voilà. Tout à fait. Je vous félicite d'être de si grands fans. Docteur, bravo, une fois de plus. Que dire ? Et j'ai envie de dire merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous font la joie ou qui ont parfois la tristesse de nous écouter. Et voilà, j'espère que nous vous retrouverons dans 2 semaines, voilà, avec une émission, je crois, sur un sujet un petit peu tabou, les bâtards. C'était donc Riposte, une émission d'Alain Finkielkraut avec... non, c'était une blague. C'était Des bâtons d'Anguirou, une émission du dispositif des BDGR sur Radio Galère. On se quitte en musique avec un morceau choisi par le coach, un groupe qui s'appelle Cruyff in the Bedroom, un groupe japonais, je crois. Voilà, un groupe de J-Rock japonais. À très bientôt.